En Corée du Sud, selon Yonhap News, les délégués de 13 formations civiques de la ville de Visongbo, province du Gyeonggi, ont tenu une conférence de presse le 1er septembre devant la mairie. Ils ont dénoncé les Juhaïs qui cherchent à disposer une troupe d'hélicoptères d'attaque à la base de Visongbo, à restituer en 2017 et exiger de retirer la base comme prévu.